Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture. Ce For Unlawful Carnal Knowledge de Van Halen de la période Van Hagar avec ce Pound Cake sur lequel le père Eddie faisait résonner sa perceuse Makita. Un album qui se verra réédité dans quelques semaines. Donc le groupe a annoncé quelque chose d'assez sympa, on a un live de l'époque. Notez que le Van Halen avait sorti l'un de ses quasiment uniques albums live de toute sa carrière sur cette tournée avec un double album Right Here Right Now qui était vraiment super cool, donc ça je le conseille à tout le monde. Voilà, dans Overdrive on va avoir de la bonne musique ce soir qu'on va lancer tout de suite avec le dernier album en date du père Sebastian Bach, et ce sera le morceau Future of Youth, extrait de cet album Child Within the Man. Yes, vous venez d'entendre Frankenstein, extrait du dernier album de Accept, ça s'appelle Humanoid et ça vient de voir le jour sur Napalm Records. On continue tout de suite avec du suédois mélodique Eclipse Falling to My Knees, ça sort sur Frontiers Records. What the fuck? Running wild, I'm a Hollywood child. Being around. Yes, vous venez d'entendre Riot 5 avec son dernier album Mean Streets et ce morceau Love Beyond the Grave qui vient de voir le jour sur Raining Phoenix Music. On continue avec un excellent groupe pas assez connu à mon sens qui s'appelle Weatherfall. On retrouve Jack Dreyer qui était le dernier guitariste soliste de Ister, enfin très bon chanteur également. Et on est là dans une vague de heavy metal progressif américain, donc d'influence un petit peu de groupes comme Fate's Warning, Crimson Glory, avec bien entendu une touche moderne. On pense également peut-être au Control Denied de Chuck Schuldiner à la fin de sa carrière là aussi. Donc une musique assez métal à tendance trashy, mais avec une voix aiguë par-dessus. Where do I begin? Par où est-ce qu'on commence? Tout simplement par Weatherfall avec son dernier album Sounds of the Forgotten qui vient de voir le jour sur Deathwave Music, leur propre label. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. If I Particulièrement heavy, soul free, dévotion, connexion, extrait de ce mini-album, 5 titres. On est là sur les terres d'un d'Agoba, à mon sens, des tout débuts du groupe marseillais. Soul Tree, dévotion, connexion. On continue tout de suite avec le groupe Gate Creeper maintenant et ce morceau Oblivion. Wake up, run, run, run, this can't be out. Yes, vous venez d'entendre Gatecreeper Oblivion tout de suite et on va passer à l'un de mes groupes favoris de la scène thrash metal avec Exodus qui nous sort aujourd'hui cet album live qu'ils ont exhumé de l'année 1989, ça s'appelle British Disaster, The Battle of 89, ça sort sur Nuclear Blast, donc on y retrouve bien entendu la tournée de cet album Fabulous Disaster, Zetro au chant pour son deuxième album après Pleasure of the Flesh. On y retrouve un Exodus de la première époque, la H-Team, bien entendu. Bon, on est encore déjà loin de l'époque Paul Baloff et de son premier album Bandit by Blood. Néanmoins, sur ces deux albums, Pleasures of the Flesh et Fabulous Disaster, on a d'excellents brûlots. Et peut-être l'un de mes titres fétiches, d'un de mes styles fétiches également, ce sera Verbal Razor, qui est un morceau de thrash absolument hallucinant sur lequel on retrouve l'un des tout meilleurs riffs de thrash jamais enregistrés, et là c'est en plus joué de manière assez frénétique, donc c'est du pur plaisir. Exodus Verbal Razors en concert en 1989. This song's called Verbal Razors. Look at these fucking madmen, all you London fucking thrashers that have stayed behind Exodus from day one. I know everybody in the crowd is brain dead. Et maintenant, pour changer radicalement d'ambiance, ce sera Near Death Experience avec cet album Brief is the Light et le morceau No Tomorrow paru sur MNO Music. No! venez d'entendre le groupe Near Death Experience sur Overdrive Radio Duo, 22h passées de 20 minutes avec cet album Brief is the Light. Et on va continuer tout de suite avec Demande à la poussière et cet album Kintsugi qui vient de paraître le 3 mai, donc il y a de ça quelques petites semaines sur My Kingdom Music. On est là dans quelque chose de triste. Le groupe se définit comme du Blackened Doom Sludge. On est sur la troisième livraison de cette bande-son qui est une lente dépression. Ce sera la parabole des anges et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, demande à la poussière, la parabole des aveugles, tout de suite sur le 895 de Radio Duo. On continue maintenant avec Rotting Christ, qui s'appelle Pro, qui nous sort son dernier album sur Season of Mist, Pro Christou, et les Grecs nous envoient, c'est The Apostate. On y retrouve ici tout le savoir-faire qui nous sort ce métal extrême mélodique depuis maintenant de nombreuses années et qui s'est vraiment bonifié avec le temps. The Apostate tout de suite par Rotting Christ. Yeah. Voilà, on va se quitter au son de Lepros. Vous venez d'entendre Rivers of Nile avec ce morceau Criminals. On se quitte au son de Lepros. Atonement pour cet excellent groupe norvégien emmené par Einar Solveig. Excellent. Pour les amateurs de rock progressif, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 89.5 de Radio Dio. Ce week-end, c'est le Lyon Metal Fest du côté de Montagny et ça devrait être une superbe petite sauterie. On rappelle www.radiodio.org, facebook.com, www.radiodio.org, le facebook.com/overdrive radio dio, overdrive radio dio sur Instagram également. Et voilà, passez une bonne semaine, écoutez beaucoup de musique et gardez surtout la santé. Ciao, bye bye. That is all because of you. The final lie, the last denial. Realized that is all because of you. Cannot deny you still. For the loving people that you owe nothing, the mutuality was never there. Storing all the criticism for you, making sure that you have no clue of how to regain your faith. Aspire to be swallowed by the fire. Shut us cut through, and it's all.